Bonjour mesdames et messieurs auditeurs de la radio Isanganiro, nous sommes lundi le 22 février et bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici les grands titres. Les sanctions prises contre la radio Bonesha FM sont levées par le Conseil national de communication depuis ce lundi. Annonce faite par le président de cet organe ce lundi lors d'un point de presse. Plus de 500 femmes détenues dans les différentes prisons du Burundi vont être assistées pendant 3 ans par l'association Nabaliza. C'est la promesse faite par le président de cette association lors d'un point de presse animé ce lundi à Ngozi. L'amicale des musiciens demande la réouverture des karaokés, étant donné que d'autres activités rassemblent beaucoup de gens continuent sans problème. Comme à l'accoutumée ce lundi, vous avez droit à la chronique sportive. Et voilà pour les titres. Vestine Boutou, je suis à la présentation. François Kimana sur la mise en onde. Bienvenue encore une fois. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour le Baro de Bujumbura demande au ministère de la Justice et garde des Sceaux la sortie de toutes les décisions issues de la campagne de révision de procès de conflits fonciers, une campagne lancée vers la fin de l'année 2020. Le président de ce Baro indique que cette dernière avait apporté un espoir aux justiciables, mais qui risque de s'éteindre. Maître Jean de Dieu Mouzengue trouve que des décisions déjà sorties sont peu comparativement aux procès jugés. On l'écoute. Je dois commencer par saluer l'initiative qui a été prise par le ministère de la Justice. Laquelle initiative visait à analyser tous les dossiers qui étaient pendants devant ce ministère afin que des décisions puissent sortir allant dans le sens d'accepter ou de rejeter la révision ou l'annulation demandée. Mais j'ai toujours souhaité que cette volonté soit transformée en action. La volonté a été affichée certes par le ministère de la Justice, mais est-ce que les décisions relatives à l'analyse du fondement de la révision et de l'annulation ont été rendues? Est-ce qu'il y a eu demande adressée par le ministère de la Justice au procureur général de la République pour saisir la Cour suprême en rapport avec les décisions de révision ou d'annulation acceptées par le ministère? Là, je dois dire sincèrement que, compte tenu des doléances, et surtout des demandes répétitives que je reçois de la part des avocats de notre ordre, et même de la population, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de décisions qui sont déjà sorties après la campagne organisée par le ministère. Cette campagne avait vraiment apporté un espoir, un ouf de soulagement, mais cet espoir n'a pas encore donné ses fruits. Comme le ministère a affiché cette volonté, comme ils ont déjà fait quelques actions allant dans le sens de clôturer ces dossiers en organisant cette campagne par des descentes effectuées même dans les provinces les plus reculées de la capitale, et il faut qu'on aille jusqu'au bout afin de sortir les décisions relatives à ces dossiers qui avaient été portés devant ce ministère. Autant le chef de l'État a toujours affiché cette volonté, en donnant même des orientations très bien précises à tout intervenant en matière de justice, en demandant à ce que chacun fasse ce dont il peut faire pour que justice soit rendue en respectant les règles de droit, en toute célérité, et même de procéder aux exécutions des jugements rendus qui ne sont plus susceptibles de recours. Comme le ministère de la Justice a affiché cette volonté et a déjà initier des actions en faisant analyser les dossiers qui étaient pendants devant le ministère, comme chacun aspire à cette dignité en accomplissant le devoir qui lui incombe, qu'est-ce qui manque pour que l'exécution des décisions judiciaires courait en force de choses jugées ait lieu? Et plus de 500 femmes détenues vont bientôt bénéficier de la part de l'association Nabaliza, une aide judiciaire et d'autres besoins en vue de l'amélioration de leurs conditions carcérales et durera 3 ans. À propos de Jean-Marie Chimilimana, représentant légal de cette association de défense des droits des prisonniers, lors d'un point de presse animé ce lundi à Ngozi, à l'occasion de la commémoration de ses 10 ans d'existence, les détails avec Apollinaire Muzagara. Lors de ce point de presse, Jean-Marie Chimilimana, représentant légal de Nabaliza, a annoncé l'existence d'un financement destiné à l'assistance judiciaire de 584 femmes détenues dans différentes maisons de détention du Burundi. Ces femmes vont également recevoir des dons en vivres, envie de compléter la ration reçue dans ces prisons, sans oublier d'autres qu'ont besoin les femmes dans la vie de tous les jours, un projet qui va durer 3 ans. Cette association de défense des droits des prisonniers et de leurs familles annonce aussi un autre financement alloué à la lutte contre le coronavirus dans 11 prisons et 2 centres de détention des mineurs du Burundi. Jean-Marie Nshimirimana salue les efforts du gouvernement burundais en faveur des droits des prisonniers, notamment la libération de ces derniers par la grâce présidentielle, une libération qui s'annonce bientôt et qui touchera selon lui un important effectif. Le représentant légal de l'association Nabariza l'a dit ce lundi à Ngozi dans un point de presse lors de la commémoration du 10e anniversaire de l'existence de cette association au Burundi. Les cérémonies officielles verront le jour en juin prochain à cause du coronavirus et cela selon son représentant pour que tous ses partenaires tant nationaux qu'internationaux y participent tout en espérant que cette pandémie sera maîtrise. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Sangani. Il est 13h passé une minute au studio de la radio Isanganiro. Le journal continue. Les sanctions prises contre la radio Bonesha FM en 2017 par le Conseil national de la communication sont levées depuis ce lundi. Lors d'un point de presse animé ce lundi, Nestor Bangmukunzi, président de cet organe régulateur, a précisé que les pourparlers continuent avec d'autres médias sous sanctions, comme est recommandé par le président de la République en fin de janvier dernier. Le directeur de la radio Bonesha FM salue cette décision. Léo Massengo reconnaît toutefois qu'il y fait face aux défis financiers. Les détails avec Elini Berenivigira. C'est l'une des radios ayant rencontré des problèmes en 2015. Depuis ce lundi 22 février 2021, il est autorisé à réémettre comme annoncé par Nestor Bangmukunzi, président du Conseil national de la communication, après des pourparlers entre son conseil et les radios sous sanction, comme recommandé par le président de la République au mois de janvier dernier. Le bureau exécutif du Conseil national de la communication a pris la décision de lever la décision de retrait d'exploitation à la radio RSF Bonesha FM. Le Conseil national de la communication invite la radio RSF Bonesha FM à toujours travailler en s'inspirant de la loi et des principes fondamentaux du journalisme. Ce patron du CNC précise qu'avant de reprendre ses émissions, la radio Bonesha FM doit signer un acte d'engagement que les fautes qui ont conduit aux sanctions ne se reproduisent pas. Il rappelle que l'association garant de Bonesha FM a remplacé Patrick Nduimana à la tête de cette station. Celui-ci est poursuivi par la justice burundaise, accusé d'être impliqué dans la tentative de coup d'État en mai 2015. Concernant les radios encore sous sanctions, Nestor Bangmukunzi rassure que le dialogue continue. Le dialogue va se poursuivre avec les représentants des autres médias encore sous sanction. De son côté, Léon Massengo, directeur de la radio Bonesha FM, se réjouit de cette décision et remercie principalement le président de la République qui a donné cette orientation. Cependant, malgré la levée des sanctions, des défis financiers ne manquent pas pour que cette station puisse réémettre, d'autant plus que son matériel est déjà hors usage. C'est une grande satisfaction. Nous sommes vraiment très très contents aujourd'hui. C'est une bonne occasion pour exprimer nos vifs remerciements au président de la République. Demain, nous allons faire face à des problèmes sérieux liés aux questions financières. Il y a beaucoup d'autres obligations financières qu'il faudra essayer de régler et ce sera la satisfaction de renouer avec nos auditeurs. La radio Bonesha FM a cessé d'émettre le matin du 14 mai 2015 après le putsch manqué déclaré le 13 mai de la même année. Au mois de septembre 2017, le CNC a annoncé son retrait définitif de licence d'exploitation sur le territoire national. Merci. Elini Berenivigila, une femme ressortissante de la province de Gitega, affirme être capable de produire du biogaz servant d'éclairage et de chauffage. Madame Marie-Josée Nini-Toreye précise qu'elle a déjà fourni cette énergie à deux lycées. Une activité initiée, dit-elle, pour lutter contre le chômage et protéger l'environnement. Cette femme appelle d'autres femmes à mettre en application leurs connaissances pour leur autonomisation financière et contribuer au développement du pays. Les détails avec Jean de Dieu Irakoze. Cette femme produisant du biogaz dit avoir constaté la menace croissante de l'environnement, raison pour laquelle elle a pensé à embrasser les arbres utilisés dans la production du feu de chauffage. Il y a des problématiques que nous avions observées comme le chômage. Nous avons eu l'idée de lutter contre le chômage. Nous avons eu aussi une idée de protéger l'environnement en évitant la déforestation, en évitant aussi les émissions de gaz à effet effet de serre d'alerte qui provoque le changement climatique. Marie-Josée Nini-Toreye, de qui comment se fait la production du biogaz, là où elle dit qu'on utilise toute matière biodégradable. Nous construisons le digesteur enterré et nous alimentons avec cette matière première biodégradable dans un milieu anaérobie où il n'y a pas l'entrée et la sortie de l'oxygène. Il s'agit des excréments humains, il s'agit de la bouse de vache, il s'agit des épluchures et d'autres déchets biodégradables. Elle indique avoir déjà fourni cette énergie à deux lycées. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons fourni le biogaz à des établissements, notamment l'ETP Gitega et le lycée Makamba. Nous avons eu le résultat dans l'année passée, 2020, mais nous avons beaucoup de demandes de marché. Cette représentante de l'association Amis de l'environnement lance un appel à d'autres femmes d'appliquer leurs connaissances. Marie-Josée Nini-Toreye a été élue deuxième novateur dans la compétition sur la recherche et l'innovation et a réuni les provinces de Tchangouzo, Karusi, Muramvya, Mwaro, Ruyigi et Gitega. C'était vendredi de la semaine passée. Depuis Gitega, Jean de Dieu Irakoze, Radio Isanganiro. Merci Jean de Dieu Irakoze. L'amicale des musiciens plaide pour la réouverture des karaokés. Le représentant des musiciens d'intérim trouve que d'autres activités rassemblent beaucoup de monde et se poursuivent sans entrave. Roméo Nina Azoué indique que la suspension des karaokés a eu un impact négatif sur la vie des artistes. Je vous propose de le suivre au micro de Merandouaï. Nous avons accepté la décision parce que nous aimons le gouvernement, nous travaillons avec le gouvernement. Nous avons essayé même de sensibiliser les gens, de suivre les mesures barrières que l'État a instaurées. Les mesures barrières qu'ils ont instaurées, ce sont de bonnes mesures. Mais le problème est que nous nous rendons compte que les mesures ne touchent que les gens du secteur événementiel. Ça aurait été bien de nous permettre aussi de travailler en appliquant les mesures barrières parce que les transporteurs appliquent les mêmes mesures barrières. Les bars dans lesquels on travaillait continue de fonctionner. Mine de rien, pas avec autant de gens, mais il fonctionne. La distanciation sociale qui est appliquée dans les bars est restée la même. Donc, nous pensons que nous pouvons travailler en appliquant les mesures barrières. D'autant plus que nous sommes dans un secteur qui peut aider l'État à sensibiliser. Parce que les musiciens et les chanteurs sont des gens que leurs paroles portent loin. Et nous espérons que le ministère puisse nous autoriser à travailler comme les autres, en gardant à l'esprit qu'il faut appliquer les mesures barrières. Alors pour le moment, quel serait l'état d'avancement aux musiciens? Le problème avec les artistes et musiciens, c'est que la plupart d'entre eux n'ont pas d'autre travail. Ils travaillent que dans l'industrie musicale. Au fait, quand tu travailles, tu dois y venir à la famille, tu dois payer la maison, tu dois t'occuper de toi-même, tu dois te déplacer, tu dois épargner. Nous demandons à l'État, vu que les autres sont en train de travailler dans les mêmes conditions, de nous permettre de travailler parce que c'est possible. C'est possible de faire la musique et de respecter les mesures barrières. L'industrie musicale au Burundi, à l'heure d'aujourd'hui, fébrile. S'ils ne font pas la musique, ils n'ont rien d'autre. Nous demandons à l'État de considérer cela, de voir qu'il y a un grand nombre d'artistes qui sont dans la rue, qui n'ont rien à mettre sous la dent, et comme tous les fils du pays, de leur permettre de travailler et de gagner leur pain quotidien. Le taux d'engagement du budget de l'État hors charges communes et exonérations exercice 2019-2020 est de 98,5%. Le rapport d'exécution annuel produit par le ministère burundais des Finances montre que les recettes propres au cours de cet exercice budgétaire sont de 112,7%. C'est un budget de plus de 1 500 milliards de francs burundais. Les détails avec Mireille Kanyang. Ce budget de l'État exercice 2019-2020 prévoyait des ressources de plus de 1 300 milliards de francs burundais, dont des produits fiscaux de plus de 850 milliards de francs burundais et des dépenses de plus de 1 500 milliards de francs burundais à la fin de l'exercice. Selon le rapport d'exécution annuel du ministère burundais des Finances, près de 1 025 milliards ont été collectés sur près de 910 milliards, soit un taux de réalisation de 112,7% des montants hors exonération, composés de produits fiscaux, de produits non fiscaux, produits financiers, produits exceptionnels et dons projets. Les données provisoires de ces derniers montrent que le montant du portefeuille de la Banque mondiale aux projets d'investissement nationaux et régionaux est de 795,3 millions de dollars américains, avec un taux d'exécution budgétaire 2019-2020 de 12,8%. Pour le portefeuille de la Banque africaine de développement BAD, l'enveloppe est de plus de 400 millions de dollars à la fin de l'exercice 2019-2020. Le montant décaissé est de 6,9%. Du côté du Fonds international de développement agricole IDA, le taux de décaissement est de 82% de l'ensemble du portefeuille et que sur 374 millions de dollars américains, le taux d'exécution est de 50,1%. Ce rapport du budget 2019-2020 montre que le taux d'engagement du budget de l'État, hors charges communes et exonérations, à la fin de l'exercice 2019-2020 est de 98,5%. Radio Isanganiro, chronique sport. La chronique sportive de ce lundi nous parle des critères de transfert des joueurs de tennis de table dans l'association de la mairie de Bujumbura. Jean de Dieu Nirenganya, président de la dite association, fait savoir que le joueur qui veut changer du club doit d'abord adresser une correspondance à la formation à laquelle il veut adhérer, tout en donnant une copie pour information à son club d'origine. Les détails de cette chronique sportive avec Marie-Claire Cazenese. Les quatre clubs qui affichent des bons résultats dans le championnat organisé par l'association de tennis de table en mairie de Bujumbura sont ceux qui représentent cette association dans le championnat national. Propos de Jean de Dieu Nirenganya, président de l'association de tennis de table en mairie de Bujumbura. Prenons l'exemple du championnat national de cette année, édition 2020-2021. Nous avons considéré le club de Bujumbura comme l'association de la province de l'intérieur du pays. Donc, c'est-à-dire que chaque club est représenté par quatre joueurs et par catégorie au niveau des garçons au niveau des filles et on fait ensemble de joueurs qui vont représenter l'association. C'est-à-dire 4 par catégorie, garçons, 4 par catégorie filles, c'est-à-dire l'ensemble c'est 32 et les 32 vont représenter l'association. Ce président de l'association de tennis de table en mairie de Bujumbura, celui-ci, continue-t-il, indique qu'un joueur qui veut changer le club va d'abord adresser une correspondance dans son club d'origine et c'est ce dernier qui valide son transfert. Chaque association est régie par un statut ou un règlement d'ordre intérieur et au sein de ce statut et règlement d'ordre intérieur figurent des dispositions sur le transfert des joueurs entre les clubs. C'est-à-dire que le joueur, lorsqu'il désire quitter son club d'origine, il adresse une correspondance de demande à un autre club avant qu'il copie le président du club d'origine qui va mettre un sous-couvert pour accepter cette demande. L'insuffisance des équipements relatifs aux jeux de tennis de table est le défi majeur auquel fait face l'association de tennis de table de Bujumbura, selon toujours Jean de Dieu Nirenganya. Au niveau de l'équipement, chaque club a des tables, bien qu'elles ne sont pas suffisantes, puisque nous sommes en train de demander aux parents de nous amener des jeunes, des plus jeunes, pour qu'on puisse encadrer les jeunes talents, comme ça, pour que nous ayons ceux qui vont remplacer les cadets, les minimes qu'on a déjà formés. Comme nous avons plusieurs demandes, c'est ainsi que nous demandons à nos représentants au niveau de la Fédération Nationale, dont nous cherchons encore une fois ces équipements, et nous avons un problème au niveau des balles, des raquettes, puisque à cause de cette épidémie Covid, raquettes, les balles, on ne les a pas beaucoup, puisque nous ne les importons plus. Malgré cela, ce président de l'association de tennis de table en mairie de Bujumbura explique que l'association dont il est responsable a des entraîneurs et les arbitres qui ont des connaissances de haut niveau. Merci Marie-Claire Cazenese, et c'est par les détails de cette chronique sportive que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour la collaboration technique. Vestine Boutoué, j'étais à la présentation. Au revoir, passez un bon après-midi.